Combien je déplore, ô mon Dieu, la triste faiblesse qui me fait retomber sans cesse dans des fautes que mon âme condamne et dont elle a horreur. Vous le savez, mon Dieu, il n'y a pas dans ma vie de peine plus amère que celle que me donnent ces rechutes, et quelquefois cette peine est si violente qu'elle me jette dans de grands troubles et d'étranges découragements. Quoi, toujours recommencer? Quoi, tant d'inconstance dans cette volonté qui ne voulait cependant que vous plaire? Quoi, une si constante contradiction à votre loi dans cette nature corrompue que ne domptent définitivement ni les efforts ni les années? Toujours les surprises de la vanité, de l'égoïsme, de la recherche de soi, de la mollesse, de la sensualité, toujours ces liens si forts et si tendres de l'amour-propre dont il est si difficile de se déprendre, et le résultat de longs et pénibles combats perdus tout à coup dans l'inattention d'un quart d'heure. Et alors, encore une fois, tout recommencer. Hélas, Seigneur, ai-je du moins recommencé toujours de marcher vers vous? Ai-je recommencé sur l'heure, sans tarder, sans m'accorder le triste bénéfice d'un instant de repos dans le mal? Ai-je consenti à voir immédiatement que j'avais tort? Et, changé en un moment par cette claire vue, ai-je dit adieu courageusement? Je suis encore tombée, ô mon Père, mais vous voyez que j'ai horreur de ma faiblesse. Ô vous qui êtes seule la force, relevez-moi. Ô Jésus tombant trois fois sous le fardeau des péchés du monde, mais aussitôt relevé par la force d'un amour invincible et reprenant le chemin du calvaire, relevez-moi de l'abattement où me jette la vue de mes tristes rechutes. Apprenez-moi que la patience est une grande force contre soi-même et que dans le découragement qui suit nos fautes, il y a souvent moins la confusion de vous avoir trahi que l'amertume de notre orgueil blessé. Donnez-moi donc d'être humble dans la constatation de ma misère, humble dans le changement subi de mes dispositions intérieures. Un jour, ô mon Dieu, ces flux et ces reflux de l'âme auront cessé, et nous sentirons alors en vous aimant la bienheureuse assurance de vous aimer toujours. Ô jour, ô soleil divin, devant qui s'évanouiront les ombres infimes du péché, serait-il chrétien le cœur qui ne t'aurait pas dans ses désirs? Ainsi soit-il.